soir le fruit est dans le verre, comme Calanis est dans le pastis. Si tu as des fruits de mer et des amis pour l'apéritif, mets-les sur un plateau, pas tes amis, mais les bulots. Pour une bouteille de Trois-Rivières, fruits exotiques, c'est bien plus chic. Oui, sur la fête, pour connaître la recette. Maintenant, si tu sais pas, tu le fais, tu le vois. Oui, sur la fête. Pas au punch coco. Il commencera à faire très chaud. Évite que ça glisse et passe au mojito. Attention à la sueur. Si tu te déshydrates, il faut un petit planteur. Le soir un peu pompette, avec une haleine de belette, fini avec une marquisette. Réussir la fête, pour connaître la recette. Maintenant si tu sais pas, tu te dis, tu le vois. Réussir la fête, pour connaître la recette. Maintenant si tu sais pas, tu te dis, tu le vois. Pas une petite mélodie. Si l'orientation est mauvaise, rajoute de la fraise ou bien trop amer, un peu de citron vert. Alors quand c'est trop acide, pense à mettre du cidre, mais pour un bonhomme, mets du rhum. Maintenant si tu sais pas, tu te tais, tu bois. Maintenant si tu sais pas,